Le retour d'Alphonse de Lamartine, enregistré pour LibriVox.org. Le retour. Vallon, rempli de mes accords. Ruisseau, dont mes pleurs troublent l'onde. Prés, collines, forêts profondes, oiseaux qui chantiez sur ses bords. Séphir, qu'embaumait son haleine. Sentier où sa main tant de fois m'entraînait à l'ombre des bois, où l'habitude me ramène. Le temps n'est plus, mon œil glacé, qui vous cherche à travers ses larmes, à vos bords jadis pleins de charme, redemande en vain le passé. La terre est pourtant aussi belle, le ciel aussi pur que jamais. Ah, je le vois, ce que j'aimais. Ce n'était pas vous, c'était elle. Fin des poèmes. Enregistré par Monse González. Cet enregistrement fait partie du domaine public.